il y a des auteurs que les colosses n'effraient pas, des romanciers, des scénaristes qui, pour créer, aiment se confronter à des monstres, à des géants, à des mythes pour les faire leur, pour en donner leur lecture, leur vision. Notre invité est de cette trempe. Dans ses romans, il revisite autant Conan Doyle en livrant sa propre version de Sherlock Holmes que Wells et sa machine à voyager dans le temps, le terrible Jack l'Éventreur et même Sigmund Freud. Au cinéma, il va redonner du souffle à l'une des plus grandes franchises de science-fiction de l'histoire du petit écran en écrivant en 12 jours seulement ce qui restera comme le meilleur film de la saga Star Trek 2, La Colère de Khan, Nicolas Meyer. Nicolas Meyer, l'homme qui a tué Spock, c'est le programme Déboulonneur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Nicolas Meyer. Bonjour, je suis enchanté de vous faire votre connaissance. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette heure d'entretien. J'en parlais hier lors de votre présentation au festival de Gérard Armé. Star Trek, Sherlock Holmes, H.G. Wells, Jack l'Éventreur, le fantôme de l'opéra. Vous êtes un déboulonneur de mythes. I think that artists are seldom, if ever, à mon avis, judges of their own work. On ne peut pas dire que les artistes soient à même de juger leur propre travail. Said to Margot Fontaine after the Margot ballet, Fontaine, danseuse britannique. Quelqu'un lui a dit, ah, oh, Margot, j'ai adoré la façon dont vous dansez. Qu'est-ce que vous faisiez sur scène? Réponse, je suis vraiment désolé, mais j'expliquais ce que je faisais à mesure que je le faisais. Si vous n'avez pas compris, eh ben, à ce moment-là, j'ai échoué. Par conséquent, je pense que je ne suis pas à même de décrire ce qu'est mon travail ou ce qu'il signifie. Moi, je raconte des histoires. Je raconte les histoires que je voudrais voir ou entendre ou lire. Et je trouve qu'une grande part de mon inspiration, appelons ça l'inspiration, ça vient de la lecture de l'histoire avec un grand H et de biographies. C'est dans le passé qu'on retrouve beaucoup de choses et c'est là que moi je puise mon inspiration. Par ailleurs, je crois que je vois les choses mieux rétrospectivement que dans le présent, parce que dans le présent, mon esprit est dans un état de confusion. Mais vous ne pensez pas tout de même qu'il y a dans votre carrière un plaisir à se saisir d'éléments mythologiques, culturels, extrêmement marqués, extrêmement forts, extrêmement puissants, pour les redéfinir à votre sauce, pour les transformer, pour en faire quelque chose qui vous appartienne? Well, that is, it is certainly true. Oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Quand j'ai été exposé à Star Trek pour la première fois, je ne connaissais pas du tout la série, je ne connaissais pas le film, je ne savais rien sur Star Trek. En fait, je levais les yeux au ciel quand on parlait de Star Trek, je pensais que c'était imbécile. Et quand j'étais gamin, je dois dire que c'était tellement ringard. Et de toute façon, je ne comprenais pas, parce que de toute façon, je suis la dernière personne qui comprend quoi que ce soit. Et je ne comprenais pas ce qu'il y avait de si merveilleux, de si différent, de si innovant dans Star Trek. Alors, il y a de l'optimisme, ou alors il y a une nature internationale ou interraciale de Star Trek. Le fait que les femmes sont des femmes puissantes, elles ont de l'autorité. Dans Star Trek, une personne noire peut embrasser une personne blanche. Tout ce qu'il y avait dans Star Trek, eh ben, tout ça, je suis passé à côté, moi. Et quand j'en suis venu à faire ce qu'est The Wrath of God, la colère de Dieu, j'ai regardé ces épisodes, j'ai regardé le premier film, le premier long métrage, et il s'agissait pour moi de m'approprier cette chose. Ces personnages m'ont quelque peu rappelé les livres que j'avais lus quand j'étais gamin, les livres de C.S. Forrester, le capitaine Horatio Hornblower, le capitaine anglais dans la marine britannique pendant les guerres napoléoniennes. Donc là, c'est la même chose, mais dans l'espace. This is about the Navy. Et il s'agit de la marine, après tout. Et ça, j'ai compris. Et je me suis dit, bon, d'accord, des sous-marins, des destroyers. Et des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un film tout à fait particulier qui m'avait inspiré, qui s'appelait The Enemy Below, avec Robert Mitchum. Dick Powell était le réalisateur. Mais c'est un film sensationnel. Donc oui, je voulais que ce soit quelque chose que je puisse comprendre. C'était ma version de Star Trek. Même chose quand j'ai fait un autre travail, un autre projet, c'est ma version de Sherlock Holmes. Et c'est une version tout à fait conservatrice. Hein. Moi, j'ai pas du tout aimé les longs métrages. J'ai pas aimé Nigel Bruce, par exemple, parce que je comprenais pas pourquoi un génie est en fait accompagné d'un crétin. Pour moi, c'est pas logique. Hein. Donc moi, j'ai voulu que Watson ne soit pas aussi imbécile qu'il n'apparaît habituel. Donc oui, je revois les choses à ma sauce, comme vous dites, mais je ne suis pas en fait complètement en dehors des clous. Hein. Je voulais que ce soit quelque chose que je puisse comprendre et quelque chose que mon père, le psychanalyste, en français dans le texte, puisse comprendre, parce que mon père, lui, ne connaît rien à Star Trek. Donc, dans mon projet, ça commence au 23e siècle, comme ça, mon père pouvait comprendre exactement où il se situait. Là où je n'essaye pas de changer les choses, c'est quand j'ai fait Philip Roth, lorsque j'ai fait la tâche, élégie. Là, j'essayais simplement de faire en sorte que Roth soit à l'écran. Et Elegy, c'est plus réussi, je trouve. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de juger. On va revenir sur vos adaptations de Philip Roth. Ce qui est intéressant, Nicolas Meyer, vous disiez dans une interview précédente, et ça me fait penser à ce que vous venez de dire à l'instant, je m'intéresse aux gens et aux personnages, mais je veux d'abord être capable de m'intéresser aux gens avant d'aller plus loin, et cela m'est bien égal s'ils viennent d'une autre planète. Yes, I don't... At one point in one of the Star Trek movies, oui, dans un des films de Star Trek, Kirk dit, en quelque sorte, oui, tout le monde est humain. Enfin bon, c'est une remarque assez drôle. Donc, je ne suis pas le premier à le dire. Je crois que c'est Aristote qui a dit, on aime voir du théâtre parce qu'on aime voir des imitations de nous-mêmes. Alors, qu'il s'agisse de Hamlet, d'Oedipe ou d'autres choses, les êtres humains n'ont guère changé hein, depuis l'aube de la création. Nous faisons encore les mêmes choses. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on appuie sur des boutons. Mais à part ça, on fait la même chose hein, et on est les mêmes. Et la preuve en est que on ne pleurerait pas face à Oedipe ou le roi Lear si on ne comprenait pas exactement leur expérience. Et ça, c'est la preuve que rien n'a changé. Par conséquent, moi, je ne m'intéresse pas tellement aux effets spéciaux. Je ne m'intéresse pas plus que ça aux étincelles bon marché, vous voyez. Moi, je m'intéresse à l'art qui répond aux questions fondamentales. Les questions sont toujours plus intéressantes que les réponses. C'est comme la magie. Quand on explique le tour, comment on fait le tour de magie, ben, ça n'a plus d'intérêt. Donc je crois qu'il faut poser les bonnes questions. Et c'est ça, justement, qui nous engage, nous implique, nous plonge dans l'intérêt de l'histoire. Et pour qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, soit couronnée de succès, il faut qu'il y ait du mystère. La peinture ne bouge pas, il n'y a pas de contenu intellectuel dans la musique. Non, il n'y a pas de contenu intellectuel, c'est des sons, la musique, point final. Et les mots, c'est du code, c'est des gribouillis sur une page. Alors que la peinture, je disais qu'elle ne bougeait pas, mais elle bouge quand vous la regardez. Et ça devient profond quand ça vous touche. Sinon, quoi, c'est des images, la peinture, des couleurs et les mots. Ça vous fait rire, pleurer quand vous déchiffrez le code. Il n'y a que le film qui a cette capacité hideuse de tout faire pour vous. Ça n'élimine rien. Et moi, ça me pose un problème. J'ai dû arrêter de réaliser lorsque mon épouse est décédée en 83 parce que j'avais des enfants. Mais quand j'étais réalisateur, j'étais toujours en train de dire, mais qu'est-ce qu'on peut enlever là? Enlever quelque chose parce qu'on mâche le travail. Quand le personnage montre quelque chose du doigt, c'est pas la peine que la caméra vous montre ce qu'elle montre, ce que le personnage montre. Dans les films d'horreur, vous voyez le personnage qui regarde la caméra avec les yeux ronds, cette personne est terrorisée, et puis on entend un hurlement derrière ou un grognement, et on se demande ce que c'est. C'est l'imagination du spectateur qui est convoquée. C'est ça qui est intéressant, mais c'est pas nouveau cette affaire-là. Dans Shakespeare, dans Henri V, par exemple, au début, il y a travailler sur vos forces de l'imagination. Vous parlez à l'homme qui s'est endormi pendant les deux versions de Blade Runner. Voilà, ça c'est moi. Pourquoi? Parce que moi, j'étais comme ça, passif, rien. Tout était mâché pour moi. Blade Runner, voilà, je me suis endormi. Chaque image était parfaite dans Blade Runner. Rien n'a été éliminé. Par conséquent, moi, je me sentais comme un observateur. J'étais pas du tout impliqué. Donc, j'ai regardé ces images. Je regardais ce défilé d'images parfaites. Et moi, voilà, c'est comme ça, moi. C'est comme ça que je vois les choses. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. On va revenir avec vous, Nicolas Meyer, sur votre carrière de romancier, de scénariste, de réalisateur. Et pour commencer, pour repartir aux origines, je voulais vous demander, revenir en tout cas à ce que vous racontez, c'est-à-dire de dire que c'est votre père qui vous fait lire le premier Sherlock Holmes alors que vous avez 11 ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui, à 11 ans, vous marque dans ce personnage pour que vous le suiviez, pour que vous le réinterprétiez toute votre vie? Well, I think there were two things when he gave me complete homes. Lorsque j'ai eu les œuvres complètes de Sherlock Holmes, j'ai dévoré ça. Quelles histoires formidables, notamment les nouvelles. Et comme tout le monde, comme quiconque dévore ces 60 histoires, eh bien, on est quand même frustré. On n'arrive pas à croire qu'on est arrivé au bout de l'histoire. C'est pourquoi on réinterprète encore et encore. Mais l'autre élément qui est peut-être plus particulier dans mon cas, c'est que je me disais sans cesse que Sherlock Holmes me rappelait quelqu'un que je connaissais bien. Et je me suis rendu compte, et c'était venu comme ça, au lycée les gens me disaient, ton père est psychanalyste, est-ce que c'est un freudien? Aucune idée, hein, moi je ne savais pas. Donc je disais, papa, est-ce que tu es freudien? Et lui, il m'a répondu, c'est une question qui n'est pas si fine, ça. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est une question bête? Parce qu'il n'est pas plus possible de parler de l'histoire de la psychanalyse sans commencer par Freud que de parler de la découverte de l'Amérique par les Européens sans commencer par les Vikings ou Christophe Colomb. Mais imaginez que rien ne s'est passé depuis Christophe Colomb, c'est quand même quelque chose d'assez rigide intellectuellement. Et il m'a dit, lorsqu'un patient vient me voir, j'écoute ce que le patient me raconte, j'écoute à la forme aussi, je suis très intéressé par le non-dit du patient, évidemment, je veux savoir si le patient est ponctuel, comment il s'habille, Est-ce que ce patient est bien rasé? Bref, est-ce que cette femme s'est pomponnée? Vous voyez, comment s'est-elle habillée? Est-ce qu'elle est ponctuelle? Et ainsi de suite. Et mon père me dit, moi je recherche des indices auprès de mes patients. Je veux comprendre pourquoi ils ne sont pas heureux. Et moi j'ai dit, mais tu es détective en fait, tu n'es pas psychanalyste. Il m'a dit, ah, eh ben, d'une certaine façon, oui, c'est vrai, je suis un peu détective, enquêteur. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et voilà, je sais qui me rappelait Sherlock Holmes. Il me rappelait mon père, évidemment. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Arthur Conan Doyle, Sigmund Freud. Est-ce qu'ils connaissaient bien Freud? Et évidemment, on se rend compte qu'ils sont tous les deux médecins. Et ils sont tous les deux morts dans la même ville en l'espace de 9 ans. Et par la suite, on comprend que Sherlock Holmes est cocaïnomane. Et pendant un certain temps, Freud était adepte de la cocaïne. Et il a commencé à s'intéresser à la cocaïne lorsqu'il travaillait avec deux ophtalmos à Vienne, Stein et Koerler. Et il a commencé à utiliser, enfin, ils utilisaient la cocaïne pendant la chirurgie ophtalmologique. Et Arthur Conan Doyle, lui, qu'est-ce qu'il a étudié? L'ophtalmologie à Vienne. Ah, vous voyez, un faisceau de coïncidences incroyable. Hein. Et donc, parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit doucement. Hein. Il m'a fallu 15 ans pour découvrir ce que je viens de vous raconter et pour écrire le livre. C'est la solution à 7%, votre premier livre sur Sherlock Holmes. Ma question, c'est pourquoi Sherlock, pourquoi pas par exemple Hercule Poirot, pourquoi pas Arsène Lupin, qu'est-ce qu'il y a dans Sherlock Holmes en plus qui vous poursuit et qui vous a poursuivi puisque vous venez d'écrire le dernier roman l'année dernière? You know, I can't really explain it. I found... Je ne sais pas trop, difficile à expliquer. By comparison with Poirot, si on compare Sherlock Holmes à Hercule Poirot, je dirais que Hercule Poirot est un petit peu trop mécaniste. J'aime bien Agatha Christie, hein. Mais moi, je ne lis pas trop les histoires de mystère comme ça. Alors que chez Holmes, contrairement aux autres personnages, eh bien, il y a Watson. Et je crois que l'on peut remonter la fidélité de cet aide-de-camp, le faire-valoir, ça remonte à Don Quichotte et Sancho Panza. Il y a Batman et Robin aussi. Hein. Vous voyez, deux personnes, c'est un duo, un binôme. Il y a dans cette notion pince-mi, pince-moi, vous voyez. Donc Watson, je vous ai dit qu'à mon avis, il était un petit peu trop crétin. Mais moi, je me suis toujours identifié comme Watson. Et même chose pour le lecteur d'ailleurs. Nous sommes prêts à être étonnés. Je vais vous donner une autre version. Si vous voyez Pygmalion de Bernard Shaw, qui est devenu My Fair Lady. Pygmalion, c'est évidemment une arnaque, c'est un plagiat de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est 221B Baker Street, la tenancière, c'est Madame Hudson, Watson revient d'Afghanistan, Henry Higgins, c'est 27A Windfall Street, le colonel Pickering revient d'Inde, et la tenancière, c'est Madame Pierce. Vous voyez, donc Henry Higgins, comme Holmes, ce sont des gens qui font des déductions. Higgins fait des déductions linguistiques et Holmes est... Donc Quichotte dit à Sancho Panza, c'est pas un moulin, c'est un géant. Et Sancho Panza, lui, il est quoi? Il est éberlué. Donc vous voyez, il y a des parallèles que l'on peut tirer de ces binômes. Et pour moi, le binôme, ça fonctionne mieux que le simple Hercule Poirot tout seul ou Miss Marple toute seule. Hercule Poirot à Hastings. I didn't know that. Ah, je savais pas. Anyway, il y a une autre Is Hastings Est-ce que Hastings est aussi vivant que Watson? Il n'est pas dans tous les romans de Poirot, mais c'est un ancien militaire qui revient aussi d'une campagne, je crois, en Afghanistan, me semble-t-il, ou en Inde. Where did she get that? Tiens, c'est bizarre. J'ai lu qu'une autre de vos influences qui me semble intéressante, c'est Jules Verne. Votre premier cours en 8 mm, yes. Le tour du monde en 80 jours. Un chef-d'œuvre, sans doute. Well, my father, who, as you may, who was, I should back up a little bit and say that my father's side of the family is French. Du côté de mon père, ce sont des Français. Alsatian. Des Français d'Alsace. Mon arrière-grand-père était dans la cavalerie française, troisième hussard. Et après la guerre, lorsque l'Alsace est devenue allemande, ils sont tous partis pour l'Amérique, y compris mon arrière-grand-père. Et lorsque la Première Guerre mondiale a pris fin et qu'il y avait des célébrations dans la rue, il était assez âgé à ce stade. Il avait peur d'aller sur la place parce qu'il pensait que son cœur allait exploser. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une coïncidence que mon père, né aux États-Unis, m'ait présenté à de nombreuses œuvres françaises. L'artiste auquel je m'identifie le plus, c'est Georges Bizet. Non pas que je me crois aussi talentueux que Georges Bizet, mais Saint-Saëns disait de Bizet que c'était un chic type, mais qui avait un cœur sombre. Et Carmen, qui pour moi a fait l'objet d'une obsession dès l'âge de 5 ans, et d'ailleurs c'est encore une obsession aujourd'hui, Carmen, c'est un personnage exubérant dès l'ouverture. Quoi de plus exubérant? Et dans chaque morceau, c'est un tube en fait. Chaque morceau est un tube. Mais au bout du compte, c'est une histoire horrible, Carmen. C'est un fait divers. Ce n'est qu'un fait divers, à l'exception de la musique. Par conséquent, moi, je m'identifie à cette notion, à cette approche, cette narration. C'est l'art qui permet d'examiner des choses auxquelles on ne s'intéresserait pas. Parce qu'elles sont vraiment repoussantes. Bref, mon père m'a présenté Carmen et Jules Verne aussi, pour répondre à votre question. Et j'ai eu une expérience religieuse lorsque Walt Disney a produit 20 000 lieues sous les mers. Le meilleur film de Walt Disney jamais fait, à mon avis. D'ailleurs, si on écoute l'histoire, c'est pas terrible, hein. La bombe atomique qui est déclenchée à la fin. C'est pas typique de Disney, tout ça. Bref, ma femme m'a laissé dans le cinéma pendant 3 jours. Elle a oublié où j'étais. Et puis, à ce moment, voilà, le Nautilus s'est transformé en ma mère. C'était le vaisseau amiral, avec un E amiral, si je puis dire. J'étais le capitaine Nemo, j'étais tous les personnages de 20 000 lieues sous les mers. Voilà. Mais bref, je voulais vivre dans ce film, dans la version cinématographique du roman qui a été écrit. Et c'est Harper Goth qui a fait la conception du film. Harper Goth a dit à Walt Disney en personne, Jules Verne décrit le Nautilus comme étant de forme d'un cigare. Personne ne voudra regarder un cigare pendant 2 heures. Mais il dit, on pense que c'est un monstre marin. Moi, je vais concevoir quelque chose, dit-il à Walt Disney. Et il a conçu quoi? Un chef-d'œuvre, un truc incroyable. Bref, je suis devenu dingue de cette histoire. Et à partir de là, après 20 000 lieues sous les mers, il y a eu autour du monde en 80 jours, Mike Todd, et je crois que mon père me lisait l'histoire tous les soirs. Donc, moi, j'étais parti pour Damas, en fait. Et puis, il y a un livret qui accompagnait le film. C'était très spectaculaire, cette chose-là, à l'époque. Hein. On achetait des billets à l'avance, on y allait, et on vous donnait un programme. Ça coûtait $2, le programme. Programme que j'ai gardé précieusement. Et il s'agissait d'articles sur le making-of du film. Et il y avait un article qui portait sur les statistiques de Mike Todd. Il était question d'argent, du nombre de personnes qui avaient travaillé, et ainsi de suite. Et parce qu'il n'avait jamais fait de film, hein, cet homme-là. Il travaillait à Broadway. Il avait fait des comédies musicales. Bref, l'article était intitulé « Vous aussi, vous pouvez faire un film sans expérience, c'est possible. Tout ce qu'il vous faut, c'est 8 millions de dollars et 12 000 personnes, et vous tournez dans 6 pays. » Moi, j'étais gamin et je ne comprenais pas du tout l'ironie de cet article. Et j'ai dit, papa, eh ben, on va faire un film, papa, allez. Lui, il avait une caméra 8 mm. Donc, on a passé 5 ans, le week-end, pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été. Et moi, évidemment, moi, j'étais qui? Phileas Fogg. Et mon meilleur ami, qui était le monteur de mes films, était Passepartout. Voilà. Et donc, c'était un chef-d'œuvre, hein, mon premier film. Ça dure 50 minutes. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est charmant. Alors, évidemment, on a tourné les scènes à l'envers pour par commodité. Donc, moi, je grandis, je rapetisse, parce que j'étais gamin, donc parfois je suis trop grand, parfois je suis trop petit. J'avais près de 17 ans vers la fin, alors que j'ai commencé à tourner quand j'avais 12 ans. Donc, il a fallu un an pour essayer de tout monter correctement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. J'ai lu également que dans de vos influences, et votre père a encore une place importante là-dedans, vous étiez très marqué par les films égyptiens et les péplums que vous alliez voir au RKO, au cinéma de la 58e rue à côté de chez vous. Yeah, there was a children's section. It was a movie palace. C'était le palais du cinéma. Ça occupait un pâté de maison. C'était énorme. Et en fait, il y avait un endroit pour les enfants. Et les rangées étaient si espacées que même pour les joueurs de basket, c'était tout à fait confortable. Immense. Et donc, ils projetaient ces films. Donc, la terre des pharaons, l'égyptien, des trucs incroyables. Et moi, je disais, mais c'est incroyable, ça. Parce que quand le héros a des problèmes, quelle que soit l'histoire, eh bien, il se trouve qu'il rencontre les femmes les plus magnifiques. Mais ces femmes, d'où est-ce qu'elles viennent? Je me disais quand j'étais gamin. Parce que dans les rues de New York, moi, je n'en voyais pas des femmes comme ça. L'une des raisons pour lesquelles moi je voulais faire du film, c'était que je voulais savoir d'où elles venaient, ces femmes sublimes. Venons-en au début de votre carrière. Donc, ce premier roman, Sherlock Holmes, La solution à 7%, que vous allez adapter en film. En français, ça s'appelle Sherlock Holmes contre l'Orient Express. Pour une raison qu'on n'explique pas totalement, pourquoi avoir changé le titre, on ne sait pas. Quelle est la différence de votre travail de romancier et votre travail de scénariste? Comment on passe de l'un à l'autre et comment vous faites la bascule entre un travail littéraire et un travail cinématographique? Avant toute chose, il faut savoir que j'étais scénariste avant d'être romancier. You have to understand that movies are fundamentally pictures. Les films, ce sont surtout des images, alors que les romans, ce ne sont que des mots. Bon, ça c'est la première grande différence, assez évidente d'ailleurs. Mais s'agissant de l'adaptation de la solution à 7%, Moi, j'ai considéré que le film, c'était une occasion d'améliorer le récit du roman. Parce que je pensais que la première partie de mon roman était géniale. Holmes qui rencontre Freud. Puis ensuite, ensemble, ils essayent de percer un mystère. Et j'avais deux raisons pour vouloir refaire ce mystère. Première raison, je pensais que l'histoire dans le livre est pas mal, mais je pensais que ça pourrait être amélioré. Et il y avait une raison à cela. Lorsque l'on lit un polar, 2 millions de personnes ont lu La solution à 700, voire davantage, il y a eu 2 millions d'exemplaires vendus. Hein, donc on connaît la fin quand Scott Turow a travaillé sur le roman, je crois que c'était intitulé Présumé innocent. Tout le monde avait lu le livre, moi je l'avais lu, on s'en souvient pas. Je veux dire, on n'oublie pas. Donc, on va voir le film, on a lu le bouquin, on connaît la fin. Donc, moi je me suis dit, étant donné que j'essaye d'améliorer la chose, eh bien on va déformer un peu les choses pour que les gens qui ont lu le livre puissent être surpris. Il faut qu'ils se disent, oula, ça a changé là, c'est un peu différent. Ils vont pas se dire, il faut pas qu'ils se disent, ah oui, je connais l'histoire, nanana. Non, il faut les surprendre. Donc, je me suis dit, il y a une occasion à saisir là. On améliore et on change un petit peu pour que les gens soient déstabilisés. Dans ma vie, je n'ai rien écrit que je n'ai pas relu le lendemain pour y apporter des modifications, des ajouts, des retraits. Ce matin, j'ai reçu un courriel de Californie à propos de la supervision d'une adaptation de Star Trek 6 en 4K. Et moi, j'ai dit, oui, je vais superviser l'étalonnage, mais est-ce que je peux changer quelque chose dans une scène parce que j'ai une bonne idée? Et c'est très facile à faire, vous allez voir. Bon, ils ne vont pas me laisser faire. Hein. Mais bon. Moi, je voudrais juste modifier un petit poil, vous voyez. Est-ce que vous diriez que votre travail de romancier est une façon différente de mettre en texte les images mentales que vous avez? Ou est-ce que c'est vraiment une toute autre façon de travailler? I would say that even if I never, if there were no such thing as movies, même si le cinéma n'existait pas, c'est, il revient au romancier de donner des images vives et claires et les faire passer dans l'esprit du lecteur. Si vous lisez le début de Bleak House, les trois premières pages, Charles Dickens, c'est une description de brouillard dans la ville de Londres, brouillard qui avale la ville. Fog, smoke, brouillard, brume, crépusculaire, Charles Dickens, c'est du cinéma ça, c'est rien d'autre. Et quand on lit Jules Verne, quand on lit Agatha Christie, quand on lit Don DeLillo, Philip Roth, eh bien il y a des images les unes après les autres. Ça c'est de l'écriture. Et on retrouve ça au théâtre aussi, chez Shakespeare. Les images sont convoquées sans arrêt. Lorsque on décrit le navire de Cléopâtre dans Shakespeare, les voiles étaient pourpres, elles étaient parfumées, et il y avait une histoire d'amour avec le vent. Bon, c'est quoi? C'est quoi? Du cinéma. Point final. Des images. Votre tout premier scénario, je crois que vous n'avez jamais réalisé. Là aussi, on revient sur ces péplums et ces films égyptiens ou cet imaginaire-là. C'était sur Heinrich Schliemann, le découvreur de Troie. Well, my uncle. He was not really my uncle. He mon was oncle. Enfin, plutôt, c'était le mari de ma tante. Was the foremost Hellenist était in the world. Le grand helléniste, le plus grand helléniste du monde. C'est ainsi qu'on l'a décrit à son enterrement. His name was Harold Chernus. C'était Harold Chernus. He was the teacher of Sanskrit. Il enseignait le sanskrit. C'était le deuxième docteur en sanskrit aux États-Unis. Il a enseigné le sanskrit à Oppenheimer après la guerre. Il était à Princeton, éditeur du Harvard Globe. Plutarque, il n'avait pas d'enfant, cet homme-là. C'est un couple qui n'avait pas d'enfant et j'adorais leur rendre visite à Princeton. Et il me racontait toute la mythologie grecque. Et bon, Thésée, Persée, Jason et, bien entendu, Troie. Particulièrement Odysseus, qui était mon personnage préféré. C'est lui qui était le plus malin de tous. Donc moi, j'ai été intrigué par l'Iliade, l'Odyssée, et ils m'ont donné les fables de Gustave Schwab, à propos de Trabe, tout ça, de Troie, tout ça, j'ai dévoré. Et à un moment donné, je ne me souviens plus très bien, mais j'ai entendu parler de Schliemann, qui était le père fondateur de l'archéologie, en quelque sorte. Mais je crois que c'était un archéologue pas très rigoureux. Hein. C'est pas un type très charmant, d'ailleurs. Hein. Il y a des côtés sombres chez cet homme-là. Mais ce qui est important, c'est que Schliemann était la première personne qui s'est dit que les légendes peuvent puiser leurs origines dans des faits réels. Et son père, qui était pasteur dans une province allemande, donc là, le mi-19e siècle, bref, quelque part en Allemagne, son pasteur lui racontait des histoires à propos de Troie. Et lui, il répondait, mais c'est où Troie? Et le père disait, mais non, mais c'est une ville inventée, ça n'existe pas, Troie. Et le petit Schliemann a commencé à être obsédé par ça. Et en fait, il est devenu millionnaire, cet homme-là. Il a gagné beaucoup pendant la guerre de Crimée, et puis il a gagné beaucoup d'argent aussi en 1849. Il est allé en Californie pendant la ruée vers l'or. Mais après avoir gagné tout cet argent et amassé cette fortune, en fait, il s'est dit qu'il voulait partir à la recherche de Troie. Donc, il a appris lui-même une vingtaine de langues. Il s'est dit qu'il lui fallait un doctorat pour aller rechercher Troie. Donc, il a eu un doctorat de l'université de Rostock, et sa thèse, c'était en fait sa autobiographie, mais écrite en grec ancien. Ensuite, il s'est dit qu'il fallait qu'il épouse quelqu'un quand même, parce qu'en fait, ça s'est mal passé, sa première relation. Donc, il a écrit à l'archevêque à Athènes, « Je veux une épouse, il faut qu'elle soit brune, qu'elle aime Homère, arrangez-moi ça. » Il a rencontré Sophia Gastromenos, âgée de 17 ans, et il lui a posé des questions sur l'Iliade. Il fallait qu'elle soit érudite en Iliade, la petite Sophia. Eh bien, elle l'était, dit non. Et il a dit, bon, ok, c'est toi, je t'épouse. Et elle a dit, attends un instant, toi. Elle a dit, moi aussi, j'impose des conditions. Ça l'a surpris, hein. Il n'avait pas pensé qu'on puisse y imposer quoi que ce soit. Et il a dit, c'est quoi tes conditions? Elle a dit, moi, il faut que j'ai la permission d'apporter mes poupées lors de la lune de miel. Elle avait une collection de poupées, la Sophia. Donc, où est-ce qu'ils sont allés en lune de miel? En Turquie, à la recherche de Troie. Il n'avait aucun matériel scientifique. Il avait quoi? Un exemplaire de l'Iliade. Il y avait un guide, et le guide disait, et cet endroit-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et Schliemann regardait et disait, non, c'est pas ça. C'est trop loin de l'océan. Parce que les Grecs sont allés directement sur le champ de bataille quand ils descendaient du bateau. Donc, le guide montrait un autre endroit. Et il disait, et ça, que vous en pensez? Schliemann disait, non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? C'est près de l'océan. Oui, c'est près de l'océan, ça. Mais lorsque Hector est tué par Achille, on le tire par les chevilles. around the walls. There's a 60-foot drop. Et il y a. Et c'est pas possible ici parce que là, il y a une dénivellation de 20 mètres. Bref, il y a 20 villes empilées les unes sur les autres qu'il a trouvées, Schliemann. Il a trouvé de l'or, des joyaux, suffisamment pour repayer la dette nationale de la Grèce. Hein. Mais bon, il a caché tous ses trésors, toute cette fortune. Il n'avait aucun droit de le faire, ça appartenait aux agriculteurs, etc. Et puis il repart en Allemagne et tout a disparu. Tout a disparu. Tout le monde a dit, mais l'or de Troie, où est-ce qu'il est passé? Eh bien, en 1945, qui c'est qui est arrivé à Berlin en premier? Eh ben voilà. Donc, et puis personne n'a voulu admettre cela pendant 50 ou 60 ans. Bon bref, puis il y a une trentaine d'années, il a été publié un livre, c'est un très beau livre, hein, avec des très belles photos de tous ces trésors. Donc oui, voilà, c'est ça mon premier scénario. Toute cette histoire, vous avez... Not the Russian part, not the... Okay, not the Moscow... No, it was just a... And, you know, it was a kid, I was like... Moi, j'étais quoi, gamin, 17 ans, 20 ans, quand j'ai écrit ce scénario. C'est un scénario qui est pas mal parce que l'histoire est bien. Bon, je suis pas sûr que le scénario soit aussi bien que l'histoire, mais c'est quand même assez bouleversant, c'est saisissant, on y croit à peine. Venons-en à votre premier long métrage, Time After Time. Donc, c'était demain en français qui est votre premier long métrage, Grand Prix du Festival d'Avoria, qui était le prédécesseur du Festival de Gérardmer où nous sommes aujourd'hui. Et là encore, une fois de plus, Nicolas Meyer, vous empoignez les mythes à pleine main, à plein bras, puisque votre personnage principal, c'est A.J. Wells, l'auteur de La Machine à voyager dans le temps, qui va poursuivre Jack l'Éventreur, le tout à San Francisco. Là aussi, j'ai envie de vous demander quelle est la racine, quelle est la graine d'imaginaire qui vous donne envie. C'est pas la mienne. Alors, vous allez me raconter ça. I think I don't get ideas. I trip over them. En réalité, les idées, je trébuche dessus. Ce sont les idées des autres. Hein. Lorsque la solution à 7% a connu le succès, le livre avant le film, ou peut-être que c'était le contraire. Bref, je connaissais un type décédé maintenant, mais il était à l'université d'Iowa et il travaillait dans le département d'écriture. Il m'a contacté, ce gars-là. Il m'a dit, je suis en train d'écrire un roman quelque peu inspiré par la solution à 7%. J'ai 65 pages et un plan. Est-ce que vous voudriez bien lire cela et me dire ce que vous en pensez? À l'époque, j'avais un peu de temps. Et j'ai dit, mais ouais, bien sûr. Donc j'ai lu les 65 pages. C'était H.G. Wells invente une machine à voyager dans le temps. Jack l'Éventreur s'évade pour aller dans l'avenir. Et Wells pensait qu'il a libéré un fou sanguinaire, se sent responsable, etc., etc. Et il m'est venu des pensées quelque peu confuses sur ce que j'avais sous les yeux. Je lui ai dit ce que je pensais, et puis je me suis dit, c'est pas vraiment un livre, ça pourrait être un livre, mais en réalité, c'est une idée visuelle, parce que tout ce dont on a besoin, c'est deux hommes en costume victorien qui se baladent au XXe siècle, en 1979 par exemple, et tout ce qu'ils voient, c'est de la science-fiction. Et ça m'a rappelé un film que j'ai adoré, un film incroyable de Godard, qui s'appelle Alphaville, avec Lemmy Cochon. Et dans Alphaville, les choses sont telles qu'on les connaît, mais elles ne portent pas le même nom. Donc quelqu'un disant, donne-moi ce communicateur, c'est un livre. Des trucs comme ça. Donc, il y avait cette notion d'Alphaville dans ce manuscrit. Et je me suis dit, mais Quel dommage que ce ne soit pas un film. Encore une fois, je vous ai dit, je réfléchis, lendemain, deux mois plus tard, je me réveille en pleine nuit et je dis, mais t'es crétin, il faut acheter ce manuscrit, il faut lui acheter les droits. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, j'aurais jamais pu inventer cette histoire-là. Parce que moi, j'invente rien. Hein. Moi, je saisis les idées qui me tombent dessus. En l'occurrence, j'ai acheté cette idée. Bref, j'ai mis une option sur les droits d'auteur et j'ai écrit le scénario. Et le scénario, je lui ai remis. Et j'ai dit, Carl, il s'appelle Carl Alexander. Je lui ai dit, vas-y, sers-toi dans ton roman, mets tout ce que tu veux. Sers-toi, vas-y, parce que j'ai pensé que ça l'aiderait à publier le livre et qu'il y aurait une espèce de fertilisation croisée. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais, encore une fois, je ne crois pas que les artistes soient le plus à même de juger leur propre travail. Mais si on compare « C'était demain » et « La solution à 7 %», moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Personne ne l'a peut-être remarqué, qui sait, c'est que Sherlock Holmes et Sigmund Freud sont des personnages très particuliers. Ce sont des personnages individuels. Dans C'était demain, il s'agit de typologie de personnages. Wells représente tout ce qu'il y a de rationnel, de progressif dans la civilisation et l'humanité. Et Jack l'Éventreur représente le côté sombre, le mal, la destruction. Donc, vous voyez, les typologies de personnages, plus que la personnalité même de Wells ou Jack l'Éventreur. On ne sait pas pourquoi Jack l'Éventreur est si maléfique après tout. Nicolas Meyer, on a fait l'exploit, puisque ça fait quasiment trois quarts d'heure qu'on parle, de ne pas évoquer une seule fois Star Trek encore, donc on va y venir tout de même. Star Trek 2, La colère de Khan, vous en avez déjà beaucoup parlé. Moi, j'aimerais vous poser deux questions à ce propos-là. On a parlé de votre intérêt, de votre attrait pour Sherlock Holmes, pour ses personnages mythologiques quasiment. Et vous dites, et d'ailleurs vous l'avez mis dans votre scénario pour Star Trek VI, qu'il y a un lien entre Spock et Sherlock Holmes. Il y a un lien entre Spock, Sherlock Holmes, Freud. Tout ça, c'est un peu des visages différents du même personnage ou du même concept, de la même notion. Comment est-ce que vous le voyez avec un peu de recul, justement? I just thought when I was writing Spock, I said, this guy sounds quand je décrivais Spock, like je me disais, on croirait entendre Sherlock Holmes. Spock, Gene Roddenberry, whoever created him, was somewhere. Peut-être que le créateur de Spock avait Sherlock Holmes en tête. Sherlock Holmes, on dit que c'est une machine réfléchissante. Spock est caractérisé comme un homme un personnage qui n'a pas d'émotion. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé avec Leonard Nimoy, il m'a dit, moi, j'ai jamais joué ça comme acteur. Moi, j'ai toujours incarné Spock comme étant un personnage qui maîtrise ses émotions. Et c'est vrai chez Holmes, ça aussi. Hein. Donc, la ressemblance était évidente. Donc, je me suis dit, allez, voyez, on y va, on jette la passerelle entre les deux. Vous faites quelque chose de très fort dans Star Trek 2, dans la Colère de Khan, c'est que, justement, vous tuez Spock. C'est quelque chose qui serait quasiment impossible aujourd'hui dans un univers de films et de franchises. Quand est-ce que vous prenez cette décision et comment vous avez réussi à la faire passer? I didn't choose it. Ah, ce n'est pas mon choix. Hein. The way the script got written. Alors, je vous explique comment le scénario a été écrit. C'est une histoire un peu compliquée, hein. Mais bon. On m'a présenté Harv Bennett, qui devait produire un deuxième film sur Star Trek. Et il m'a dit qu'on en était à la version 5 du scénario et qu'il allait me l'envoyer. Parce que moi, j'étais intéressé, parce que je pensais à Hornblower et les sous-marins dans l'espace, ça commençait à me titiller. Le temps a passé, et puis aucune nouvelle de lui. Puis un jour, je me réveille, et je me suis dit, mais alors, le scénario, où on en est? Et il m'a dit, oh là là. It's not very good. Je peux pas te le montrer, c'est pas un très bon scénar. Et j'ai dit, et la version 4 ou la version 3, je peux voir ça? Il a dit, bof, non, je vais t'expliquer, tu comprends pas. C'est pas la même chose. C'est 5 tentatives différentes pour faire un scénario pour Star Trek 2. Ah, j'ai dit, envoyez-moi tout et puis moi je vais lire. Il a dit, bon, tant pis pour toi. Hein. Et puis, à l'époque, il y a une camionnette qui est arrivée avec une tonne de papier et moi je lis très lentement. Et de toute façon, je ne connaissais rien à Star Trek, donc je me suis assis. J'ai lu les 5 versions de scénario. Et puis, j'ai vu Harv Bennett et Robert Saul, son associé, et j'ai dit, j'ai une idée. Pourquoi ne pas établir la liste des éléments que l'on aime dans chacun de ces 5 scénarios différents? Il pourrait y avoir un récit, un sous-récit, une séquence, une scène, un personnage, peut-être une réplique. Établissons une liste, ai-je dit. Et moi, je vais essayer d'écrire un scénario qui intègre le plus grand nombre possible de ces éléments qui nous plaisent dans ces versions. Ils m'ont regardé comme ça, pas très satisfait. Et j'ai dit, mais c'est quoi, c'est une bonne idée, non? Ils m'ont dit, il nous faut un scénario dans 12 jours. Et sinon, c'est les gens des effets spéciaux qui ne pourront pas garantir la livraison des tournages pour la projection, l'avant-première au mois de juin. J'ai dit, quoi, avant-première au mois de juin? Ils m'ont dit, ah oui, il y a un cinéma, il y a une réservation. Et là, j'en étais à mon deuxième film. Attendez, moi j'ai dit, vous avez fait des réservations pour projeter un film et il n'y a pas de film? Et on me dit, c'est comme ça le cinéma, mon gars. Et moi j'ai dit, bon. Alors, Peut-être que je peux essayer de faire ça en 12 jours. Je vais me lancer. Et je les regarde, ils me regardent d'air un peu torve, ils ne me croient pas. Et puis en 12 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que j'ai fait ma grosse erreur. J'ai dit, bon, tant pis, je ne vais pas signer de contrat, peu importe l'argent. Bon. Mais si on n'agit pas maintenant, dès maintenant, il n'y aura pas de film du tout. Mon agent m'aurait étranglé. Mon agent avait une vocation pour être prêtre avant d'être agent. Et il s'est dit, merde, je me suis gouré, j'aurais jamais dû être agent si je travaillais avec des gars comme Nicolas Meyer. Bref, on a pris toutes les bonnes idées dans les différentes versions des scénarios et il y avait une idée qui était la mort de Spock. Bon. Et l'histoire qu'on m'avait racontée, c'était que Leonard Nimoy ne voulait plus tourner. Il voulait plus être Spock. Et Harve Bennett a dit, eh ben, on va te tuer et on va te donner une scène de mort incroyable. Et moi, c'était à moi de l'écrire, hein, évidemment. Et Leonard a dit, bon, d'accord, allez, je vais mourir, mais il faut que ça soit génial. Donc, d'où la mort de Spock, vous voyez? Mais au moment du tournage, tous les gens dans le studio aimaient bien le film et ils commençaient à se dire, mais non, il faudrait tourner d'autres films, et si Spock meurt, ça ne va pas le faire. Donc, Leonard, lui, il ne voulait plus tourner. Bref, voilà toute l'histoire. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Je pense que j'ai posé un dixième des questions que j'avais pour vous, mais c'est vraiment passionnant de vous écouter, Nicolas Meyer. Vous travaillez, donc vous avez fait trois films Star Trek, vous avez travaillé sur la série Star Trek Discovery. Pareil avec Sherlock Holmes, vous continuez, vous avez écrit cinq romans. Vous dites d'ailleurs que vous avez l'idée d'un sixième, peut-être est en cours d'écriture, vous nous le direz. Comment aujourd'hui, en 2020, par rapport aux années 70, comment on continue à travailler ces personnages, ces univers? Comment est-ce qu'on écrit encore aujourd'hui une nouvelle histoire de Sherlock Holmes? Ou comment est-ce qu'on rajoute à la mythologie de Star Trek? Comment est-ce qu'on s'insère dans ces mythologies qui sont des mythologies très complexes et très riches? I don't know. That's the shortest answer I'm going to give you. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où viennent les idées. Et je ne sais pas pourquoi les idées viennent. Quand on m'a demandé d'écrire un scénario sur La Tâche, le roman de Philip Roth, j'étais en Europe, je travaillais sur un autre projet, et on m'a dit, viens dans 6 semaines, et puis on va voir, on va en parler. Mais j'ai lu le livre, roman que je n'avais pas lu, et je me suis dit, mais c'est un roman incroyable, et moi je n'avais aucune idée quant à la réalisation en film. Les 6 semaines sont devenues 5 semaines, puis 3, puis 1 semaine, puis 3 jours, et je n'avais rien. Que quick, j'étais sec. Et donc, j'étais là, j'étais dans ma baignoire, comme Mara d'ailleurs. J'aime bien prendre des bains. Et à l'époque, à Los Angeles, il y avait de l'eau, donc on pouvait prendre des bains. Moi, avant, je prenais des douches. Bon, bref, j'étais dans le bain. Et j'étais là, je regardais mes orteils et je pensais à rien du tout. Et puis tout à coup, un petit peu comme la combinaison d'un coffre-fort, vous voyez, clic, clic, clic, voilà, acte 1, acte 2, acte 3, et puis je ne sais pas pourquoi cette idée est venue, je ne sais pas d'où elle est venue, et je ne peux pas répondre à votre question, mais les idées sont venues comme ça alors que je regardais mes orteils. Alors pour finir, Nicolas Meyer, un mot, ce sixième roman à propos de Sherlock Holmes, vous nous en donneriez un aperçu, quelle est l'idée qu'il y a derrière? Je vais vous donner le titre. Sherlock Holmes et le télégramme de la mort qui tue. Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Meyer d'avoir été avec nous au cours de cette heure, c'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Thank you so much, je vous remercie beaucoup de fois. Merci à vous. Nicolas Meyer, une interview enregistrée au dernier Festival international du film fantastique de Gérardmer, interview traduite par Xavier Combes. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Florent Bujon et Marie Claroux m'avaient dit à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.